2018, on arrive, les Lyonnais dans le game. 2019, on les tue, ensuite on parlera de la SACEM. Oh, les suceurs dans la jupe, vous méritez pas le CLM. Ceux qui sont forts dans la tête sont ceux qui sortent et sont les mêmes. On vient reprendre les rênes, à coups d'hypercute dans les reins. T'as vu le Z, t'as vu Tony, tu veux être mais toi t'as rien. Des gros lolos devant ta gueule, ça y est, tu crois que t'es un parrain. Pas riche comme Alain dans la jungle, Hami comme Kéké en R1. Curieux les gens, ils veulent savoir combien toi tu rentres par année. Des putes autour de moi, mais Hamdoulay, je sais qu'ils sont mes amis. Fané de tout, ça tire dessus pour des terrains abominables. Faut dominer ou t'es soumis comme la soie dans ton portable. Quatre pour la Vago, Akrapovic pour la moto. Nous on se fait rare comme YouTube, producteur comme Dr Gero. Y'a le terrain qu'il faut gérer, y'a trop de photos incarcérés. Les putes, les gros mythos dans la tête, on peut pas se blairer. On s'en bat les couilles de ce que vous pensez, mon ro. On les baise, y'a pas de crèche, non, même plus ils contrôlent. Y'a la thèse dans l'ivresse, c'est même plus nous contre eux. Racontez, recontez pour voir s'il y a pas en trop. Sont mes souvenirs, sont quand je repense au passé. Survêt de la Mannschaft qui est même pas repassé. Je me revois sur le terrain avec le zouz des persos. Sans hésiter avec Babage, c'était que dépassé. Sont mes souvenirs, sont quand je repense au passé. Survêt de la Mannschaft qui est même pas repassé. Je me revois sur le terrain avec le zouz des persos. Sans hésiter avec Babage, c'était que dépassé. Freestyle équipe 1, je fais ça sans stress. Non, j'ai pas la pression. Agression sur SC, c'est chaud la détention. Aucune émotion, ça laisse parler la potion. C'est la merde, la tête elle est sous tension. Le bolide tracté, pourtant laisse à la caution. Je fais mes preuves, comme le jour de la détection. Détective, déduit que ça l'est la population. Mauvais d'après le ratio, trop cher et y'a plus de cardio. Bécane cardé, les topos c'est perso. Perso comme le jaune, t'as lassé les SAO. On vise haut. Kilimanjaro, Illuminati for life, espèce d'enfoiré. 69200, c'est le Far West mon frérot. On fait rien, on mange rien, mais on finit déféré. On mélange vodka, pulco, trop chaud comme Yuri Boyka. Ce soir on douille qui, on aime tout ce qui est contact. On a le contrôle, confort du OG Sport Bike. Aucun contrat, je suis seul en peine pour l'attaque. On criera 69 la trique quand on signera des gros chèques. Au sommet je monte un petit pas, mais on n'a pas besoin d'échelle. On n'a pas squatté l'école, déscolarisé pour le check. On te choque, puis on te laisse pourrir sur le tech. C'est ça les rats, ils mentent en plus, ils jurent la mec. Ils sont sereins, mais ils harayent devant les decks. Le 6-9 c'est le zoo, y'a que des animaux étranges. Regarde pas de travers, si dans la tête y'a 4 mélanges. Moi je vise le million, je vous laisse la lune puis Amel. Big up ceux qui s'écrouent et ceux qui s'envoient la gamelle. Ceux qui s'envoient la gamelle. Big up à tous les ros, à Villefranche, à Corbeau, à 0, à 1, 10-0, MH1, MH2, ça bouge pas les frères, hein. On est ensemble. On a passé nos vies à faire du temps pour des boutiques, avoir des gens comme des bons qui faisaient qu'en abuser. À croire qu'un tel c'est un schmoop, mais en vrai c'est qu'une poutine. C'est banal à mes yeux, là j'ai rien envie de rajouter. Les meilleurs partent en premier, c'est ce qu'on m'a dit et je le vois. J'suis pas heureux ces derniers temps, mais j'fais avec, j'ai pas le choix. Un poids sur le dos, toujours pas d'alliance sur le doigt. Le chétan qui joue des tours et qui se ramène quand on se l'envoie. Et ils sont où mes héros, enterrés ou en tôle, j'savais où ça nous mène. La garda dans le hall, à trois sur une canette. Parce que dans nos poches c'est pas drôle, mais on est vrai, non on change pas, même quand y'a un gros capital. 6-9, chez nous aucun capitaine. Crie bébé si tu guettes, t'es gérant bar à vitaille. On a connu le vice très tôt, l'éveil disquadère à taille. On a connu l'éveil, c'est l'autre, c'est pas facile quand tu tiens. Nique la grand-mère à tous les coches, les vieux l'arrière qui font que ce qui. Nique la grand-mère à toutes ces chaînes qui vont se la faire bouffer à cache. Ceux qui font croire qu'ils riches, moi c'est pour eux que j'ai la hache. On pète à porte au pied de biche, et 100% bénef tout blèche.